Comment veux-tu voyager par un temps pareil ? Mais elle le priait, câline et tendre. Oh, papa, partons, je t'en supplie, il fera beau dans l'après-midi. Mais ta mère n'y consentira jamais. Si, je te le promets, je m'en charge. Si tu parviens à décider ta mère, je veux bien, moi. Et elle se précipita vers la chambre de la baronne, car elle avait attendu ce jour du départ avec une impatience grandissante. Depuis son entrée au Sacré-Cœur, elle n'avait pas quitté Rouen, son père ne permettant aucune distraction avant l'âge qu'il avait fixé. Deux fois seulement, on l'avait emmenée 15 jours à Paris, mais c'était une ville encore, et elle ne rêvait que la campagne. Elle allait maintenant passer l'été dans leur propriété des peuples, vieux château de famille planté sur la falaise près d'Yport. Et elle se promettait une joie infinie de cette vie libre au bord des flots. Puis il était entendu qu'on lui faisait don de ce manoir, qu'elle habiterait toujours lorsqu'elle serait mariée. Et la pluie tombant sans répit depuis la veille au soir était le premier gros chagrin de son existence. Mais, au bout de 3 minutes, elle sortit en courant de la chambre de sa mère, criant par toute la maison « Papa, papa, maman veut bien, fais atteler !» Le déluge ne s'apaisait point. On eût dit même qu'il redoublait quand la calèche s'avança devant la porte. Jeanne était prête à monter en voiture lorsque la baronne descendit l'escalier, soutenue d'un côté par son mari et de l'autre par une grande fille de chambre forte et bien découplée comme un gars. C'était une Normande du pays de Caux qui paraissait au moins 20 ans, bien qu'elle en eût au plus 18. On la traitait dans la famille un peu comme une seconde fille, car elle avait été la sœur de lait de Jeanne. Elle s'appelait Rosalie. Sa principale fonction consistait d'ailleurs à guider les pas de sa maîtresse devenue énorme depuis quelques années par suite d'une hypertrophie du cœur dont elle se plaignait sans cesse. La baronne atteignit en soufflant beaucoup le perron du vieil hôtel, regarda la cour où l'eau ruisselait et murmura « Ce n'est vraiment pas raisonnable. » Son mari, toujours souriant, répondit « C'est vous qui l'avez voulu, Madame Adélaïde. » Comme elle portait ce nom pompeux d'Adélaïde, il le faisait toujours précéder de « Madame » avec un certain air de respect un peu moqueur. Puis elle se remit en marche et monta péniblement dans la voiture dont tous les ressorts plièrent. Le baron s'assit à son côté, Jeanne et Rosalie prirent place sur la banquette à reculons. La cuisinière Ludivine apporta des masses de manteaux qu'on disposa sur les genoux, plus 2 paniers qu'on dissimula sous les jambes. Puis elle grimpa sur le siège à côté du père Simon et s'enveloppa d'une grande couverture qui la coiffait entièrement. Le concierge et sa femme vinrent saluer en fermant la portière. Ils reçurent les dernières recommandations pour les mâles qui devaient suivre dans une charrette et on partit. Le père Simon, le cocher, la tête baissée, le dos arrondi sous la pluie, disparaissait dans son carrick à triple collet. La bourrasque gémissante battait les vitres, inondait la chaussée. La berline au grand trot des 2 chevaux dévala rondement sur le quai, longea la ligne des grands navires dont les mâts, les vergues, les cordages se dressaient tristement dans le ciel ruisselant comme des arbres dépouillés, puis elle s'engagea sur le long boulevard du Mont Riboudet. Bientôt on traversa les prairies et de temps en temps un saule noyé, les branches tombantes avec un abandonnement de cadavres se dessinait gravement à travers un brouillard d'eau. Les fers des chevaux clapotaient et les 4 roues faisaient des soleils debout. On se taisait. Les esprits eux-mêmes semblaient mouillés comme la terre. Petite mère, se renversant, appuya sa tête et ferma les paupières. Le baron considérait d'un œil morne les campagnes monotones et trempées. Rosalie, un paquet sur les genoux, songeait de cette songerie animale des gens du peuple. Mais Jeanne, sous ce ruissellement tiède, se sentait revivre, ainsi qu'une plante enfermée qu'on vient de remettre à l'air. Et l'épaisseur de sa joie, comme un feuillage, abritait son cœur de la tristesse.

et ferait planer chaque nuit sur son sommeil cette tendresse antique et légendaire. Tout le reste du mobilier unissait les styles les plus divers. C'étaient ces meubles que chaque génération laisse dans la famille et qui font des anciennes maisons des sortes de musées où tout se mêle. Une commode Louis XIV, superbe, cuirassée de cuivres éclatants, était flanquée de deux fauteuils Louis XV, encore vêtus de leur soie à bouquets. Un secrétaire en bois de rose faisait face à la cheminée qui présentait, sous un globe rond, une pendule de l'Empire. C'était une ruche de bronze, suspendue par quatre colonnes de marbre, au-dessus d'un jardin de fleurs dorées. Un mince balancier sortant de la ruche, par une fente allongée, promenait éternellement sur ce parterre une petite abeille aux ailes d'émail. Le cadran était en faïence peinte et encadré dans le flanc de la ruche. Elle se mit à sonner 11 heures. Le baron embrassa sa fille et se retira chez lui. Alors Jeanne, avec regret, se coucha. D'un dernier regard, elle parcourut sa chambre et puis éteignit sa bougie. Mais le lit, dont la tête seule s'appuyait à la muraille, avait une fenêtre sur sa gauche, par où entrait un flot de lune qui répandait à terre une flaque de clarté. Des reflets rejaillissaient au mur, des reflets pâles caressant faiblement les amours immobiles de Pyram et de Thisbé. Par l'autre fenêtre, en face de ses pieds, Jeanne apercevait un grand arbre tout baigné de lumière douce. Elle se tourna sur le côté, ferma les yeux, puis au bout de quelque temps, les rouvrit. Elle croyait se sentir encore secouée par les cahots de la voiture dont le roulement continuait dans sa tête. Elle resta d'abord immobile, espérant que ce repos la ferait enfin s'endormir. Mais l'impatience de son esprit envahit bientôt tout son corps. Elle avait des crispations dans les jambes, une fièvre qui grandissait. Alors elle se leva et n'eut pied, n'eut bras, avec sa longue chemise de nuit qui lui donnait l'aspect d'un fantôme, elle traversa la mare de lumière répandue sur son plancher, ouvrit sa fenêtre et regarda. La nuit était si claire qu'on y voyait comme en plein jour, et la jeune fille reconnaissait tout ce pays, aimé jadis dans sa première enfance. C'était d'abord en face d'elle un large gazon, jaune comme du beurre sous la lumière nocturne. Des arbres géants se dressaient aux pointes, devant le château, un platane au nord, un tilleul au sud. Tout au bout de la grande étendue d'herbe, un petit bois en bosquet terminait ce domaine, garanti des ouragans du large par 5 rangs d'ormes antiques, tordus, rasés, rongés, taillés en pente comme un toit par le vent de mer toujours déchaîné. Cette espèce de parc était borné à droite et à gauche par 2 longues avenues de peupliers démesurés, appelés peuples en Normandie, qui séparaient la résidence des maîtres des 2 fermes y attenant, occupées l'une par la famille Couillard, l'autre par la famille Martin. Ces peuples avaient donné leur nom au château. Au-delà de cet enclos s'étendait une vaste plaine inculte, semée d'ajoncs, où la brise sifflait et galopait jour et nuit. Puis soudain la côte s'abattait en une falaise de 100 mètres, droite et blanche, baignant son pied dans les vagues. Jeanne regardait au loin la longue surface moirée des flots qui semblait dormir sous les étoiles. Dans cet apaisement du soleil absent, toutes les senteurs de la terre se répandaient. Un jasmin grimpait autour des fenêtres d'en bas, exhalait continuellement son haleine pénétrante qui se mêlait à l'odeur plus légère des feuilles naissantes. De lentes rafales passaient, apportant les saveurs fortes de l'air salin et de la sueur visqueuse des varechs. La jeune fille s'abandonna au bonheur de respirer, et le repos de la campagne la calma comme un bain frais. Toutes les bêtes qui s'éveillent quand vient le soir et cachent leur existence obscure dans la tranquillité des nuits, emplissaient les demi-ténèbres d'une agitation silencieuse. De grands oiseaux qui ne criaient point fuyaient dans l'air comme des taches, comme des ombres. Des bourdonnements d'insectes invisibles effleuraient l'oreille. Des courses muettes traversaient l'herbe pleine de rosée ou le sable des chemins déserts.